Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jocelyn Lemoine. Salut Joc, comment tu vas? Salut Sofiane, bah écoute, ça va super. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Ah, vous avez de la chance, hein. À Paris, il fait beau là? Ah, il fait beau, on a sorti les claquettes et les transats, ça y Ça sent Paris-plage. Oh, quoique là, je sais même pas cette année s'il y aura. Ouais, je sais pas. Non. Avec tout ce bazar là, je sais même pas. Bon, au moment où sortira le podcast, on saura si Paris-Plage a été un succès, mais je sais pas. Déjà en temps normal, c'était pas réputé super hygiénique et tout, tu vois. Ouais. Donc là, avec le Covid, encore pire, je sais pas, j'en sais rien. Bon, en tout cas, nous à Bordeaux, il fait vraiment, il fait un peu. Un peu couvert aujourd'hui, c'est pas ouf, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est le plaisir de parler avec toi qui va mettre le soleil dans ma journée. Bah, ça fait plaisir, c'est gentil. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, franchement, c'est cool. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ah oui, j'ai des anecdotes. Une dernière anecdote qui était sur le dernier spectacle que j'ai effectué à Lille. Tu sais, j'ai l'habitude de prendre à partie les spectateurs car j'aime bien avoir cet échange souvent avec le public. Et là, j'avais pas fait attention, j'avais pas remarqué que la personne était assez alcoolisée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue intenable. Ah C'est-à-dire qu'en plus de répondre à chaque réplique ou d'essayer de faire le spectacle à ma place, à un moment, elle est montée sur scène. ah ouais. Et si tu veux, j'ai des fiches qui me permettent, quand je fais des improvisations, de revenir dans le spectacle. Alors, c'est souvent des fiches avec les thèmes que j'aborde dans mon spectacle. Et elles sont posées sur un pupitre derrière le rideau, souvent. Et comme cette personne est montée sur scène et qu'elle a voyagé sur la scène, elle est allée chercher mes fiches. Et en me disant, bon, bah, dans un second temps, on va parler du terrorisme, ensuite on parlera de l'écologie. Et voilà, enfin, ça faisait un quart d'heure qu'on a fait le spectacle. Le spectacle dure 1 heure. Ça a été 3 quarts d'heure restant terrible pour moi, où Ouais. j'étais à la fois dans mon spectacle et essayer de faire rire les gens, tout en essayant d'être. De canaliser l'autre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'étais entre deux à chaque fois. Le spectacle n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été exceptionnel à cause de ça, quoi. C'était dur aussi pour les autres spectateurs. Il y avait des chutes, mais elle va la fermer, celle-là. Ah. Alors, Joss, je te trouve un peu dur. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais franchement, je te trouve un peu dur. Pour une fois qu'il y a une speakerine qui se dévoue pour faire la présentation de ton spectacle gratuitement, tu n'es C'est même vrai. pas capable d'apprécier ce don de soi. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû lui proposer de faire un duo. C'est moi, j'ai pas saisi l'occasion, mais c'est parce qu'elle était drôle, à son insu, mais drôle, tu sais. Ah, mais tu sais que c'est, mais tu pourrais avoir un concept, tu tiens peut-être quelque chose, hein, tu sais, un duo, on a déjà vu des duos entre, je sais pas moi, tu sais, Laurel et Hardy, genre un gros et un maigre. Je précise, je n'ai aucun lien de parenté avec Hardy. On a déjà vu genre des Rebeux et des Renois, des trucs comme ça. Toi, tu tiens peut-être un concept, tu vois, l'humoriste et la meuf bourrée. Ouais, ça peut être sympa. Et en plus, il y a un concept parce que souvent les mecs bourrés, on comprend pas tout ce qu'ils disent, tu vois. Donc il peut y avoir Ouais, qu'est-ce qu'il un a sketch dit, de, qu'est-ce qu'il. voilà, un sketch de traduction, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être sympa. Ça peut être un spectacle collectif, finalement. Et puis c'est moi qui, à la fin, je récupère la recette alors que je fais pas le taf, quoi. Tu vois, c'est juste la nana, elle monte sur scène, elle fait son sketch bourré, et puis hop. Oui, mais c'est ça en fait. Il faut qu'on sache mettre à contribution ce qu'on appelle les hecklers, tu vois. Il faut qu'on les mette à contribution. T'sais, tant qu'à faire, tu veux pourrir mon spectacle? T'inquiète pas, je vais m'enrichir sur ton dos. Vas-y, monte sur scène, Monique. Et Et donc. figure-toi que cette nana, à la Ouais. fin du spectacle, tu sais, donc je descends de scène souvent et puis je me mets en fond de salle pour remercier les gens d'être venus. Et pour elle, ce qu'elle avait fait, c'était super, quoi. Elle m'a dit, ouais, j'espère que t'as apprécié, t'as vu, ça a animé le spectacle. Alors que Est-ce que. je voulais la buter, quoi, c'est tout. Alors, est-ce qu'elle t'a invité à laisser une critique sur Billet Réduc sur son spectacle à elle? Non, par contre, elle n'avait pas encore de nom de scène, mais elle a dit, tu peux venir me voir au bar d'en face, je serai au quatrième tabouret à droite, en sortant des toilettes. C'est terrible, Quand même, même. tu sais qu'il y a des gens qui ont appelé le théâtre, qui ont laissé des critiques en parlant de cette nana, en disant, on a apprécié le spectacle, par contre, le théâtre aurait dû gérer cette personne qui nous a gâché l'événement. Ouais, mais là, je les trouve un peu durs parce que malheureusement, c'est toujours un pari risqué, tu vois, de faire sortir quelqu'un ou quoi. C'est Ouais, c'est toujours un ça. pari risqué parce que tu peux glacer l'ambiance, hein. Exactement, ouais. Mais c'est ça le problème, en fait, quand t'es sur scène, c'est que t'es sur des œufs. C'est un parti pris, hein. Si tu prends le public à partie, si tu joues avec le public, tu donnes aussi le bâton pour te faire battre. Tu peux très Ouais, bien bah t'as. tomber sur un spectateur qui a envie de dire, bah écoute, tu m'as sollicité, tu vas faire avec moi tout le spectacle. Bah, c'est ça le truc en fait, c'est que là, le petit bémol dans cette histoire en fait, et je comprends totalement, ça me serait arrivé à moi aussi, hein, tu sais, moi j'interpelle beaucoup le public aussi, et le problème c'est que là, c'est quelqu'un qui se serait peut-être même pas déclaré si tu l'avais pas interpellé, tu vois. C'est ça, ouais, exactement. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, c'est de ta faute. Maintenant, fonctionne autrement. Tu fais tes petites. À la rigueur, vaut mieux faire le spectacle. Au début, je faisais ce quart d'heure au début de spectacle. Maintenant, je fais à la fin. Tu sais, selon Ouais. le temps qui me reste ou selon l'ambiance. Oui, bien Comme ça, sûr. il peut se passer quoi que ce soit. De toute façon, on est sur une fin de spectacle. Et puis, on a déjà créé 3 quarts d'heure, 1 heure de lien avec le public. Ouais, ça va, t'as pu un peu jauger, et puis peut-être que tu vas repérer dans la soirée les relous à qui il faut pas parler, Voilà, quoi. c'est ça, exactement. C'est ça. Après, du coup, les annonces de Monique, elles auraient changé, hein, tu vois, en tant que speakerine. Elle serait montée sur scène, elle aurait fait, on a parlé du terrorisme, on a parlé de... Tu vois, elle parlerait au passé, quoi. Exactement. Bon, est-ce que quand même, ça va, t'as réussi à les récupérer un peu au cours du spectacle ou pas? Ouais, franchement, j'ai réussi parce que j'ai ben voilà, cette habitude de jouer en toute. Moi, je suis tout public, toute circonstance, toute ville, tout. Je peux jouer dehors, dedans. Enfin, il n'y a pas de. Donc, forcément, il y a un moment, on se sert aussi un peu de notre vécu, tu sais. Du coup, étant un ancien élément perturbateur, j'ai pensé, tu sais, à mes profs que je perturbais pendant les cours. J'ai dit, allez, pauvre, c'était ça alors. C'était ça que je faisais, moi. Est-ce que le lendemain de la prestation, t'as appelé tes profs en disant pardon? Pardon, pardon, désolé. J'ai appelé tous mes amis, mes profs, tout le monde, toutes les personnes que j'ai pu gêner ou déranger dans la vie par mon insolence. Je les ai appelés, j'ai dit, franchement, j'étais un connard. Non, mais en tout cas, c'est beau et c'est vrai que ouais, malheureusement, ça peut arriver dans un spectacle et tout. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. C'est compliqué à gérer, mais bon, mais heureusement, comme tu l'as dit, voilà, t'es parti, t'as joué dans toutes les conditions et tout. T'es un humoriste. Moi, c'est ce que j'appelle, tu vois, on essaye d'être des humoristes tout-terrain. Ah ouais, et puis c'est ce qu'on aime aussi, hein. Sinon on ne ferait pas du spectacle vivant, on écrirait des bouquins ou on ferait juste de la radio, mais c'est ça, le contact avec le public, c'est ce qui fait, enfin pour moi c'est l'essence de notre métier. Franchement, Totalement. là on le voit en ce moment avec les masques, avec le fait qu'on ne puisse pas jouer, c'est les gens qui nous manquent finalement, c'est C'est pas, vrai. C'est vrai. bah, ça nous manque de faire des blagues, mais bon on peut les faire en famille ou devant une vidéo, mais là c'est vrai que c'est ce rapport qui nous manque de voir des Ben, bien gens, sûr, d'essayer de les bien sûr. faire rire. Ben, techniquement, c'est même pas jouer qui nous manque. Voilà, c'est jouer devant des gens. Parce que Devant jouer, des gens, ouais, c'est ça. voilà, quelqu'un qui veut juste placer des blagues, tu vois, il peut trouver un palliatif avec YouTube et tout, tu vois. C'est ça, ouais. Nous, on a besoin de ce lien vivant entre nous et le public. Vraiment, c'est quelque chose qui nous manque. Là, je te dis, le podcast sortira, si je dis pas de bêtises, il sortira début octobre. Et donc, ouais, d'ici là, normalement, le spectacle aura repris. Donc, vraiment, venez nous voir sur scène et on vous aime. Vous nous... Là, au moment où on enregistre, on est privé de scène et vous nous manquez, mesdames et messieurs. Ouais, terriblement, ça, c'est vrai. C'est ça. Donc, tu avais d'autres anecdotes? J'ai une autre anecdote où j'ai un ami à qui je voulais faire plaisir, un ami qui m'a rendu pas mal de services. Et un jour, on discute, je lui dis, c'est quoi ton rêve? C'est quoi une envie? Il me dit, bah moi, j'ai toujours rêvé faire comme toi, c'est monter sur scène. Sauf que lui, il n'avait aucune formation théâtrale, ni d'humour, il n'avait jamais fait de spectacle, ni écrit de sketch. Et moi, je lui dis, bah écoute, la prochaine fois que je fais mon spectacle, tu peux faire ma première partie. Donc lui, il est super heureux, et il se lance là-dedans. Et je lui dis, par contre, tu as 5-10 minutes. Et le jour du spectacle, donc il monte sur scène, et il y avait eu un spectacle avant, tu sais, on est tous les uns après les autres, donc on a très peu de temps. L'humoriste précédent sort de scène, il balaye la salle, il range quelques chaises, et puis c'est à toi souvent, tu sais, il y a 5-10 minutes de battement. C'est ça. Et lui, le problème, c'est qu'il y avait toute une mise en scène. Donc il a installé un bureau, des poupées, un lit d'enfant. Donc déjà ça prend 5-6 minutes. Et il commence son sketch, et c'était un sketch avec des personnages qui est d'une durée, enfin c'est interminable son truc, et on dépasse facilement les 10, 12, 15 minutes, on arrive à 18 minutes, donc la régisseuse à un moment lui met un coup de cloche, là, de dire faut que tu t'en ailles, Ouais. et ça le perturbe, et du coup il finit pas Ta son blague. sketch, et il a un trou. Et là au lieu de faire la fin, bah voilà c'est tout pour moi, ou faire sa chute, sortir de scène, et il ne sort pas de scène. Il laisse son matériel, son décor sur scène, et il dit, maintenant, on va recevoir Jocelyn. Donc, une fois qu'on t'annonce Toi, tu peux pas rester figé, il y a un public, tu vois. Donc, du coup, je me retrouve à monter sur scène avec son décor et lui sur scène. Oh oui, moi je pensais qu'il t'avait annoncé et qu'il était sorti en laissant son matériel. Non, non, il pensait que lui, il pouvait partir côté cour ou côté jardin, sauf que c'était des rideaux et des murs, tu sais, derrière un rideau, un mur. On était vraiment. Donc, je lui dis, par contre, il faut que tu descendes. Et il comprend pas, donc du coup, il descend pas et il va se mettre derrière un rideau. Donc, les gens ne savent pas que derrière ce rideau, il y a rien. Donc, j'ai joué mon spectacle avec un lit bébé, un bureau, une poupée, les choses qui n'ont rien à voir avec mon spectacle. Et lui, donc je dirais pas le prénom, derrière le rideau, où on voyait ses pieds, quoi. Joss, vraiment, je te trouve encore une fois assez ingrat parce que le collègue, il te laisse son matériel sur scène en mode si tu as besoin de quelque Tu peux, chose, ouais, si t'as besoin, voilà. tu prends. Voilà. Et toi, tu trouves à redire. Franchement, après le coup de la speakerine, franchement, tu me déçois, Joss. Je suis désolé. Ah, Et c'est. donc, comment ça s'est passé? Alors, j'imagine que le public devait être mort de rire quand lui, il n'a pas bougé de scène, quoi. Ah Et que ouais, toi, tu étais là. ça a créé un truc marrant. Et figure-toi qu'après, bah, lui, il est resté là. Et les gens, bon, l'ont oublié. On a oublié le décor. Comme c'est du stand-up, ils ont essayé de baisser un peu la lumière de la scène. Est-ce qu'au moment où on parle, le mec est toujours derrière le rideau ou pas? Je sais pas, je crois qu'il repeint les murs derrière le rideau. Il s'est trouvé une activité. Il était confiné dans le théâtre. C'est le seul mec qui est dans un théâtre actuellement. Ah, c'est le seul mec qui avait le droit d'être dans un théâtre. C'est quand même beau, hein. Tu vois, tout ça se trouve, il l'avait prévu, hein. On ne sait pas, hein. Je sais pas, mais on est toujours amis parce qu'il était désolé et m'a remercié. Et franchement, tu sais, moi, comme le spectacle ensuite s'est bien passé, je n'en voulais pas du tout. Et je me suis dit, encore une fois, bah, c'est de ta faute, c'est toi qui lui as proposé ça, de lui dire, bah écoute, si tu veux, je te. Tu sais, moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas dit prépare pendant 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 mois, et puis je regarderai un peu à quoi ça ressemble, quoi. Non, non, pas du tout. Je lui ai dit, écoute, ça te fait plaisir. Mais c'est pas grave, c'était un cadeau. Toi, tu es quelqu'un de sympa, tu es quelqu'un de généreux. Je veux dire, voilà, tu lui as fait un petit cadeau, c'est cool. Et puis, ça reste une anecdote marrante. Je pense que si vraiment vous étiez en froid ou quoi, tu m'aurais pas raconté ça. Non, non, non, non, ouais, non, bien sûr, bien Est-ce sûr. qu'il est remonté sur scène après? Non, non, non, malheureusement, comme ça a été terrible pour lui, en fait, c'est quelqu'un de très drôle dans la vie. C'est vraiment un bout en train, un animateur, quelqu'un de très convivial. Mais il m'a dit, le fait de me prendre comme ça, le public en pleine gueule, puis ils n'étaient pas là pour lui, quoi. Ça a été une expérience délicate, je crois, pour Ah, je lui. Et comprends. il retournait à son métier. D'accord. Peut-être qu'à terme, il aura l'envie de remonter sur scène et de faire un petit passage, ne serait-ce que 5 minutes dans une scène ouverte. Peut-être là, la différence, en fait, c'est que les gens viendront pas pour quelqu'un en particulier. Tu vois, il y aura peut-être une partie du public qui viendra soutenir un artiste, mais 99% des gens viendront pour voir le spectacle. Donc, ils savent pas qui ils vont voir. Là, il y aura peut-être un peu plus de neutralité et du coup, il se sentira peut-être plus à l'aise à ce niveau-là. Voilà, et puis peut-être faire un passage beaucoup plus court et sans matériel, tu vois, histoire d'être, je sais pas, enfin. Il y a des gens, après je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a des gens, il existe souvent des gens qui sont drôles dans la vie, mais drôlissimes, et sur scène, ils ont du mal, tu vois. Et il y a aussi l'inverse. Tu as aussi les gens Ouais. dans la vie qui sont pas drôles du tout, tu les vois sur scène, ce sont des monstres. C'est vrai. Il y a de tout, hein, vraiment. Et heureusement, parce que si c'était que les gens qui étaient marrants dans la vie qui pourraient être marrants sur scène, on aurait du mal, tu vois. Donc là, au moins, on est sur quelque chose de juste, en fait. La scène, c'est la vraie justice, tu vois. C'est genre, tu montes sur scène, si le public rit, ben c'est bon. Si le public rit pas, bon, ben voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le public qui décide de toute façon, c'était marrant ou pas. Hein. C'est ça. Et heureusement, ce soir-là, il avait décidé que tu l'étais quand même. Et lui, du coup, pendant son passage, ça va, ça a marché un peu, il y a eu des rires ou pas? Bah malheureusement, on n'a pas compris où il voulait en venir. C'était délicat, quoi. C'était. Puis quand tu peux pas finir, c'est toujours emmerdant parce qu'on sait pas où tu veux en venir. Et non, je crois que ça a été quelque chose de difficile pour lui. Donc non, c'est le public n'a pas adhéré. Pour lui, ça a été quelque chose de difficile. Je pense qu'il a pas super bien vécu. Ah, je comprends tout à fait. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir partagé cette anecdote avec nous. Et ton ami, si jamais il veut sortir de l'anonymat ou quoi, déjà on le salue, bien évidemment. Et s'il veut sortir de l'anonymat et venir dans le podcast pour me raconter sa vision de l'événement, ce serait marrant d'avoir sa version à lui, tu vois, ce serait trop marrant. Donc franchement, il est le bienvenu dans le podcast. Même si ce n'est pas un humoriste, on fera une exception, il n'y a pas de souci. Bah, je lui dirais, ça lui fera plaisir. Eh ben super. Donc tu avais une troisième anecdote, je crois? Troisième anecdote, ouais, c'est une année on a fait un festival, on était plusieurs humoristes, on est allé en banlieue parisienne. Je ne sais pas si la commune a présenté le spectacle comme il fallait aux jeunes du quartier, mais eux, ils ont absolument pas C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un humoriste montait sur scène, bah, il voulait pas spécialement écouter le sketch. Si tu veux, y avait des musiques hip-hop qui lançaient l'humoriste à chaque fois, et eux, ils préféraient que la musique reste pour pouvoir danser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la première humoriste est montée, bah, elle est sortie aussitôt qu'elle est rentrée, elle a dit bonjour et puis au revoir. Elle est Ah sortie de ouais. scène, elle a dit, moi, je peux pas faire mon sketch comme ça. Et le deuxième, lui, il a fait monter deux jeunes et il a fait un combat d'impro entre les deux. Et moi, j'étais le troisième, je suis monté, j'ai fait une battle de danse. Mais franchement, vous avez réussi à retourner la situation à votre avantage. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la première pour qu'elle dise non, non, je sors, quoi? Bah, elle, si tu veux, elle était vachement pro. Elle a dit, moi, je suis venu faire un sketch. Je ne suis pas venu faire l'animatrice. Je ne suis pas animatrice de MJC. Donc, les gars, vous êtes bien gentils, mais moi, je suis venu faire un sketch. Soit ils écoutent pour mon sketch, donc soit je ne le fais pas. Et le gars qui organisait ça, il a dit, je vais monter sur scène, je vais demander un peu de calme, un peu d'attention. Donc, ils ont lancé la machine. Elle a dit bonsoir. Elle a commencé. Elle a vu que les jeunes n'écoutaient pas et qu'ils en avaient par-dessus la tête. Donc elle a dit bah, c'est tout pour moi. Et elle est redescendue de scène et puis elle nous a dit moi je le fais pas. D'accord. Oh là là. Et du coup, C'était ouais. impossible, impossible. Je crois qu'on était 8. Il y a peut-être une personne qui a fait un demi-sketch quoi sur les 8. Ouais, j'avoue que ça fait peu sur une soirée, c'est sûr. Mais vraiment, au niveau de l'animation et tout, ouais, peut-être que ça aurait dû être mieux présenté. Parce que des fois, malheureusement, ils annoncent un peu les événements et ils donnent pas trop de détails. Donc après, les Non, gens c'est ça, c'est savent. des communes qui achètent des événements pour faire plaisir à la jeunesse Ouais, bah voilà, sans mais le leur problème. expliquer, sans les guider. Normalement, tu accompagnes, tu fais une semaine de théâtre ou 4-5, c'est les 4-5 jours de théâtre ou le stand-up dans la commune. Là, c'est l'événement a dû être vendu comme ça. Pour eux, en plus, pour eux, il y avait une soirée après le spectacle. Ils étaient chauds pour la soirée, ils étaient habillés. Voilà, ça sentait le Monoï, ça sentait le Fahrenheit. Il y avait des coups au gel, tu vois, ils étaient prêts pour s'ambiancer, quoi. D'accord, je comprends. Oui, donc en fait, vous étiez vu plus comme un obstacle à la soirée, quoi. C'est ça, ouais, genre, bon, allez, Bah, un casse-toi, peu, on a envie de ouais. zouker. Bah, un petit peu comme quand tu fais une première partie et que t'es pas le bienvenu, quoi. C'est ça, c'était exactement ça. C'était une première partie d'une heure et demie avec 8 humoristes, mais c'était bien. Ouais, c'est déjà on a affaire à de la grosse première partie là. C'est dommage parce que les gens, t'as envie de leur dire, mais vous savez pas ce que vous ratez là. Là, Bah il y oui, a c'est ça, huit. ouais. Voilà, il y a 8 personnes avec 8 univers complètement différents. Enfin, j'imagine que la soirée était gratuite. Donc, Complètement pour eux, ouais, tu vois, c'était gratuit. voilà, pour eux, c'était gratuit. Donc, vraiment, enfin, les gars, mais sérieux, enfin, faites un effort, quoi. On vous présente ça gratuitement. Juste prêtez l'oreille. On ne vous demande pas de rire. Riez si vous avez envie de rire, mais au moins, donnez la chance au produit. Et je crois Mais même que la vidéo est sur YouTube, de mon alors, passage. ça m'intéresse. Oui. Ou je ne sais pas si elle y est encore parce que j'avais demandé de la supprimer, mais elle a longtemps été sur YouTube où on voit comment c'est le sketch et j'invite deux jeunes à monter sur scène et je suis en train d'être l'animateur d'une battle D'accord. interminable. Et du coup, tu les emmènes avec toi en tournée maintenant, ces jeunes-là? Et ouais, si là on va partir sur Guingamp dès le mois de septembre, on fait les Côtes d'Armor. Ouais. Ensuite, on revient dans le Morbihan et on finira dans le Larzac. C'est la base, c'est obligatoire. Tu finis toute tournée dans le Larzac. Toujours, toujours, Ah parce que bah, le Larzac, ça rime avec Prozac. oui. Ah là là là là. En tout cas, bien joué le coup de faire une battle de danse à la place de à la place de faire ton sketch. Du coup, le Larzac rime aussi avec arnaque. Bien C'est joué. vrai. Et franchement, moi je dis, alors je dis arnaque, mais j'aurais été le premier à monter cette arnaque aussi, hein, parce que quand tu sens que ça prend pas, c'est la survie qui prend le dessus. Le cerveau se met en mode attention, il faut absolument s'en sortir. Il Faut faut faire un éviter peu la peur. honte et tout. Et tu as trouvé un excellent moyen. J'imagine que la battle a cartonné, quoi. Oh, ils étaient contents, ils étaient ravis. Voilà, moi j'ai fait mes 7 minutes du coup sur deux chansons. Puis c'était bien. Mais tu sais quoi, si la vidéo est encore en ligne, envoie-la moi Je vais et je la regarder, mettrai ouais, dans je les vais liens. regarder. Je la mettrai dans les Ouais. liens. Ouais, bah super. Bah écoute, merci beaucoup, Joss. C'était un Bah, vrai je t'en prie, plaisir d'écouter Sofiane, tes merci à anecdotes. toi. Ah, bah, avec grand plaisir. Franchement, ça fait longtemps que je voulais te proposer de nous raconter tes péripéties parce que je sais que tu fais partie des baroudeurs de l'humour qui jouent, bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu vois, en humoriste 4x4 et tout, et tu joues dans toutes les conditions. Et qui dit toutes les conditions dit toutes les galères possibles. Donc, vraiment, là, tu nous as pas déçus. Là, tu nous as servi du bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Twitter, YouTube, Ok, voilà. super. Eh bien, écoute, parfait. Donc, je mettrai les liens. Jocelyn Lemoine, j'imagine, sur tous les Sur tous les réseaux. réseaux, ouais. Ok, super. Bon, bah, parfait. Et merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.